Bonsoir, bonsoir. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or you can email us at bonjourminnesota@gmail.com. We're also on social media, but Facebook and Instagram, we don't do the other kind. Bonsoir, bonsoir. Tonight is my night. This is Freddy. We are on August 13th, and I have a playlist tonight that has like new titles and all about songs in French with different genres. We'll talk about the events a little bit later. And we'll talk about the 24 Hours of Frenchness that's coming up soon on KFAI FA2. So a little bit more specifics about it. And I don't know that we'll talk about the news. It isn't much. I mean, we'll talk about a little bit about the Olympics, but there isn't much happening these days. So we're going to start with the music. And we're going to start with Philippe Catherine with the song Nu on Naked. Or nude, I'm not sure. But this is a song he was singing at the opening of the Olympics all in blue. Not dressed, but representing Dionysos. So you'll be able to hear the song itself. And then we're going to listen to MC Solar and Marie-Flore. And MC Solar is pretty famous. Was really big in the like early 2000s, late 90s, and he kept on going. And Marie-Flore is a little bit more recent, but she's really awesome. She has like a couple of albums, and yeah, I like her voice. And the name of the song is called OK, like being okay, like everything's fine. Then we're going to listen to MIDI 51, and MIDI is like, you know, like the music file, more than Noon. And the name of the song is going to be Parallel. So just a reminder that if you want to know about the playlist, if you go to kfai.org, on the upper right corner, there is a playlist icon that you can click on. And you scroll down and you'll be able to see the song that I've been played. All right, on y va. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né, nu, vivons comme on est né, nu, tout simplement tout nu, nu, tout simplement tout nu. Comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux. Des pélicans avec des chapeaux nuls. Tout simplement tout nul. Restons nus. Tout simplement tout nul. Il n'y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu. Non, on est tous sœurs et frères quand on est tout nu. Nous vivons comme on est né, nu, vivons comme on est né, nu, simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. On s'est rencontrés sur le quai. Sur le quai de la station de métro nommée Guy Moquet. Puis je vous parlais, la fille a dit ok. Que fais-tu dans la vie sans vouloir te choquer? Je suis la capitaine d'une équipe de hockey. Et puis le soir venu, je deviens disque jockey. Tu connais DJ Bill, elle me dit Bill Bokeh. Puis elle s'est mise à rire, j'ai cru qu'elle se moquait. De quoi m'aurait les crains, j'ai tendance à bloquer. Douleur dans le ventre avec crise de hockey. Allez, je peux le dire, j'étais interloqué. Mais le changement de ton ne m'avait pas choqué. Harassed in the street, she plays it loquet. Elle se transforme en porte avec un loquet. Un chat anarchiste sur t-shirt floqué. Elle peut te faire suffoquer, te pare-choquer, te disloquer. Elle a dit, ce soir je joue dans un troquet. Près du polo club, pin-up et plein de jockey. Je passerai du punk ou le groupe ok. Parce que je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Ok. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain. Je l'ai rencontré sur le quai. Sur le quai de la station si bien nommée qui moquait. Il voulait me parler, j'ai juste dit ok. Au milieu des passants qui sont très choqués. Sa vie en résumé rapidement évoquée. Comme un dessin qu'il aurait vite fait croquer. Il avait l'air plus passionnant que passionné. Il m'a fait rire quand il a cru que je me moquais. Il mélange tous ses mots façon bol poké. C'est que l'émotion doit lui refiler le ok. Allez, je peux le dire, il était bien looké. Et l'entendre faire ne m'avait pas choqué. Any talks, says it's okay. Me dit qu'il veut tout sauf m'escroquer. Pas comme la contrefaçon d'un sac à main floqué. Il veut juste discuter, il a des mots à déstocker. Je lui ai dit que ce soir je jouais dans un troquet. Il répète tout ce que je dis comme un père, ok. On dansera sur du punk ou sur le groupe, ok. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Ok. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas si ça va. Je sais, c'est que demain ça ira. Je sais que t'es en panne, que rien ne te répare. Ton train n'est jamais à l'heure, il est parti en vacances. Tu ne croises que des barrières, mais tu ne veux pas faire marche arrière. Tu peux laisser tes affaires, plus rien n'a d'importance. Change les paramètres. Tu ne sens plus rien que le vent. Il t'emportera vers un ailleurs. Et ce monde est déjà. déjà là. Le refrain, tu le connais par cœur. Allez, viens perdre ton temps. Pars avec moi dans un monde parallèle. Et voilà, we just listened to three songs. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. The first song was from Philippe Catherine with Nu. Very pacific song. I mean, you know, try to put everything on the same level, or everybody. Then MC Solar and Marie-Flore with OK. And then just now was MIDI 51, or MIDI 51, with Parallèle. And we're going to keep on going on playing music. We're going to listen to Talu, two songs from her album Exil. And the first song is called Loin de vous. And the second, it means far from you. And Santé mentale, mental health. So these are going to be the two songs from Talu. And we're going to listen to Caroco, Comme les gens changent. You know, how the people are changing. So, all right, on y va. This is Freddy, and I'm with you until 10 p.m. Seconde passe sa vive allure. Plus je m'isole, plus je parle à la lune. Comme le phare qui éclaire la brume. Mon regard dessine la rue. On me dit de croire, mais on fait rien avec ça. Je t'en prie de boire pour trinquer mes succès. La peur m'écrase, oui, sous sa semelle. J'enfuis des fois, même cours après. Je cherche un sens à mon or. Tu crois encore aux âmes sœurs. J'ai pas vu mon cœur, j'ai pas vu ton cœur. Et je me concentre sur ma page blanche. Sans ma peine, j'y vivrais pas pareillement. J'aurais sur ma tête, je le pensais pas vraiment. Penser qu'il s'éclaire seulement dans la peine, non. Le vase déborde, mais tout dans mes poches. Je pense à ma mère, je m'éloigne de mes proches. Nombreuses erreurs me servent de boussole. Il faut que je m'isole. Je laisse mon ombre à distance. Je suis sans défense et sans attente. La pluie me hante, je ressens le manque. Le vent m'entraîne, je m'accroche à mes rêves. mais le ciel est noir. Mes pas sont lourds, mais j'accélère. J'ai fait des tours, j'ai grillé 200 fois. Enfin je peine, à mes heures pleines, je finis dans tes bras. Des mots m'appellent, que le silence me garde de mes pensées noires. Viens tente l'échec. C'est dans la tête, on était young et bête. On les sentait mentales, les eaux presque bancales. Pour ma santé mentale, j'avance lentement. On les sentait mentales, les eaux presque bancales. Pour ma santé mentale, j'avance lentement. Je me présente innocente, le démon prit la suite. Impatiente, les secondes me dépassent sa vive allure. Indécente, ils nous foncent du recul, tu repetis. T'appliques trop, il me semble, leurs avis que je diabolise. Le temps s'écoule et je le savais, pardon. J'étais de messagerie, j'ai trop crié après la pluie. J'ai mal de cœur comme maladie. Pardon, j'étais de messagerie. Du tout, non, je ne l'aurais pas cru du tout. Si on m'avait dit un jour que tu disparaîtrais demain, je ne l'aurais pas cru du tout, non. Je pleure un peu plus encore ces derniers mois. Je vous rends dans le métro et je ressors les yeux KO. Menteur, tu étais ailleurs, je le suis. Je suis absente dans mes repas de famille car tu es trop là. Entre mon cœur et mes doigts, dans mes décisions, mes choix, pars dans la capitale et quitte-moi, ce sera mieux pour nous tous. mieux pour nous deux. Va voir les choses en grand, car je sais qu'il t'attend, car je sais qu'il t'attend. C'est fou comme les gens changent, comme les gens changent vraiment, comme les gens changent, comme les gens changent vraiment, comme les gens changent, comme les gens changent vraiment, comme les gens changent. Voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. And we've just listened to three songs, two from Talou. The first one was Loin de vous, and the second one was Santé mentale from her album Exil. And just now was Caroco with Comme les gens changent. And they are new artists, so, you know, I discover them as you do. And, I mean, sometimes I just go glim on YouTube and see some things that seem interesting and I want to share. So we're going to keep on listening to music until 10 p.m. tonight. Our shows is every Tuesday, 8 to 10 p.m. Central, and the shows are always recorded and archived. So if you ever miss us, you can always listen to us after the fact. We're going to listen to two songs from Mad Ray. It's a little bit electronic and house, and it's, it's instrumental, but I thought he had its place. They are French, and the first song is called Commune, Les Pigeons. And commune is like a word, I mean, it can mean a small village, it can mean like a commune is also kind of like a co-op type of deal, but like not selling things, more like managing a town. And there was one in Paris for a while, and he ended in blood. Then the other song from Mad Ray is Die Poème. And then we're going to listen to L'Impératrice with a song called Déjà Vu from their brand new album called Pulsar. And L'Impératrice is going to be on tour in the US. Unfortunately, they're not going through Minneapolis, St. Paul, but you might be able to catch them like in Quebec or East Coast. So they are pretty great otherwise, except for, you know, not stopping in Minneapolis, St. Paul. All right, on y va. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. We listen to two songs from Mad Ray, one called Commune, Les Pigeons, and the other one called Deep Poem, and it's from their EP Hotel La Chapelle. And I know they sounded really like American and house, and but they're French. And we're at the end, the third song was L'Impératrice, just now, with Déjà Vu, with from their album Pure Soul that just came out like several months ago. So we're gonna keep on going and listening to more songs. We're going to listen to Dougie Yogi with Une Nuit Avec Elle, A Night With Her. Then Club Plaisir, which I discovered like with some disco songs. And the name of the album is called Planet Vacances, Vacation Planet. And the name of that specific song is Bain de Minuit, Midnight Bath. And then we're going to listen to Collectif Métissé with On N'est Pas Fatigué, We Are Not Tired. And that's going to move a little bit, so feel free to move the chairs. Mm-hmm.

êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués. AFAI is proud to present the Stanley Clark Band at the Dakota on August 29th and 30th. Stanley Clark has obtained living legend status during his 50-plus year career as a bass virtuoso. He is the first bassist in history to double on acoustic and electric bass with equal ferocity. Also, he became the first jazz fusion bassist to ever headline tours, playing sellout shows worldwide. Tickets for the Stanley Clark Band can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Et voilà, you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. Roman and Adrian are not here tonight, but they'll come back another time. We just listened to three songs. And the first one was from Dougie Oogie with Une Nuit Avec Elle. The second one was Club Plaisir with Bain de Minuit. And just now was Collectif Métissé with On N'est Pas Fatigué, We Are Not Tired. So that was pretty cool. I really liked it. So we're going to listen to more. In 2 minutes, we're going to do the announcement. And after nine, I mean, we'll listen to a series of songs first, and then I'll talk about the events. Tonight, I want to thank the Dakota Jazz Club because they've been a very good partner. And so Jonathan got to go see Dominique Fils-Aimé, which was tonight, so I couldn't really go. But they're going to have plenty of other shows, so stay tuned. And we're going to listen to three more songs. The first one is going to be from Lancelot. It's a very recent one. It's called Madame. Then Louisa with Demain, Demain, Tomorrow, Tomorrow. And Luz with Chansonnette. And Chansonnette is a song, but a little song, you know, like nothing pretentious and things like that, things that you sing in the shower or stuff like that. So you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis, St. Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Et on y va, en avant pour la musique. Madame promène son cul sur les boulevards du Grand Paris. Madame promène son homme comme elle promène son Gucci. Madame se sent très bonne, oui. Après son brushing, Madame aime les terrasses, les discussions de copines. Madame aime le champagne et donner son avis. Madame boit trop de champagne et les voyelles s'oublient. Madame, elle a raison, bien sûr que Madame est érudite. Madame a plus de réseau, Madame veut rentrer dans son lit. Madame a des besoins, Madame a des envies. Madame veut des papouilles, Madame veut que je sois gentil. Et moi, tous les soirs je fais le canard. Je fais le canard. Elle veut des fleurs, Madame elle veut des gros bouquets. À chaque fois que je lui en offre, Madame elle pense que je l'ai trompée. Madame elle se pomponne, mascara, blush et highlighter, visage couleur Pantone. Et moi je l'attends pendant des heures. Madame elle aime bien plaire, Madame aimerait plus d'empathie. C'est pas facile de faire partie de la team des jolies filles. Madame elle fume des vogues, elle a les jambes croisées. Madame est sociologue, après deux verres de rosé. Madame, elle parle fort, Madame se sent toujours très libre. Elle a raison, tout le monde a tort. On dirait que Madame est ivre. Et moi, moi, tous les soirs je fais le canard. C'est pour Madame, pour Madame, pour Madame que je fais ça. Du matin jusqu'au soir. C'est pour Madame, que je fais ça. Je fais le canard. C'est pour Madame, pour Madame, pour Madame que je fais ça. Et je crois bien que j'en ai marre. Madame fait des régimes, elle veut garder son ventre plat. Madame tient à sa ligne, pas sûr qu'elle tienne autant à moi. Madame, souvent elle crie qu'un jour elle partira. Madame, souvent me dit qu'elle pourrait vivre sans moi. Madame, souvent elle rit, Madame rit à ses propres blagues. Madame a bu des litres, Madame adore qu'on la regarde. Madame perd les pédales, Madame raconte n'importe quoi. Madame se retrouve en larmes, Madame regrette son célibat. Madame parle de ses ex, paraît qu'ils sont meilleurs que moi. Madame est sans complexe quand elle me raconte leurs ébats. Et moi, tous les soirs je fais le canard. C'est pour Madame, pour Madame, pour Madame que je fais ça. Du matin jusqu'au soir. C'est pour Madame que je fais ça. Je fais le canard. C'est pour Madame, pour Madame, pour Madame que je fais ça. Et je crois bien que j'en ai marre. Madame, pour Madame que je fais ça. Et je crois bien que j'en ai marre. Et je crois bien que j'en ai marre. Et je crois bien que j'en ai marre. Toujours demain. Demain tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. demande toujours de moi. Demain la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Aujourd'hui. Baby, c'est chaud. Tu me fais rougir comme une ado. Tes petites mains sur ta guitare me donnent des idées un peu. La tête juste une seconde. Regarde mes lèvres, t'appelles, je gonfle. Tu comprends, je songe. Quand est-ce que tu finiras dans mon lit? Dis-moi que tu y penses toi aussi. Tu sais, j'ai pas. Je serai douce, même gentille. Retire tes bagues, elles gênent ton jeu, je les avale. Si tu pouvais lever les yeux, tu verrais que sous ma robe il pleut. Baby, c'est chaud. On s'écrit trop comme les ados. Depuis que t'es parti, je me prélasse. Et voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. KFAI is a listener-supported radio. And we just listened to three songs. The first one was from Lancelot, called Madame. And then after that, it was Louisa with Demain, Demain. And just now, it was Luz with Chansonnette. And now, because it's past nine, we're going to talk about the events. So on Sunday, August 18th, International Cafe at Utapil's Brewing. So Utapil is 225 Thomas Avenue North in Minneapolis. And they have conversation group. They generally have English, Ukrainian, French, German, American. So the time is, it's in between 5 and 8 p.m. on Sunday. So that seems like fun, and they have a good beer. So I then on Thursday, at 6:30, so it's this coming Thursday on the 15th, there's a live, an evening of poetry and song at the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul. So it's located at 227 Koufax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And it's going to be featuring Sharon Chimielas, Ben Cooper, Diane Jarvie, Peggy Linrood, and Jim Rayleigh. So, and if you go on the Facebook page or on afmsp.org, you can have more specifics about the performers. So donations appreciated. And then on the 23rd, on Friday, August 23rd, from 6 to 9 p.m., there's going to be the Cine Club at the Alliance Française with Eugénie Grandet. And I've read the book and I've seen the movie. The book is from Honoré de Balzac. And it's a classic, so that's pretty cool. If you want more specifics, you can go to afmsp.org. It's going to happen at the Alliance Française itself. And then, last event I'm going to talk about for Tuesday, August 27th, from 6 to 8 p.m., What is Literary Translation? Talk with translator Sandra Smith. And that's also happening at the Alliance Française. So it's 227 Koufax Avenue North and in Minneapolis. So I'm reading a little bit and yeah. And this person, Sandra Smith, is currently teaches at NYU. All right. We're going to keep on going with the music. One of the events that I was going to talk about also is the 24 Hours of Frenchness. So there is KFAI, and if you go to the KFAI page, the KFAI.org, if you look on the top, you can play the KFAI station that plays on the air at 90.3 FM in Minneapolis-Saint-Paul. But there's also KFAI FA2, which broadcast online only. So it turns out that my show, French Influences Radio Show Therapy, is playing on this FA2 every Thursday at 12 p.m. And you can get it online also on Mixcloud. And I recommend that you follow me on Facebook, French Influences Radio Show Therapy. But on August 25th, I thought about it for a long time and thinking that I would like to do 24 hours of French music and, you know, with all different genres and themes and things like that. And it's going to happen on KFAI FA2 on August 25th. And one of the reasons it's August 25th is because it's going to be the 80th anniversary of the liberation of Paris from the Nazi. So that's kind of a good opportunity to play different things, different genre, different eras. So, and some people are participating. We're going to have ska, we're going to have a top 100, we're going to have like some songs about Paris. It's going to be, 24 hours. So that should be fun. So mark the date, mark your calendar, and I'm probably going to do a Facebook event August 25th on a Sunday. 24 hours of Frenchness. And we're going to keep on listening to music. We're going to listen to Iliona with Le Lapin, not the bunny. Then Margot Abate with Tour du Monde, going around the world. And Stiletto with Faut que tu m'aimes, You Have to Love Me. All right, on y va. Avec tu t'irais pas pour ton. Tu sais, je t'aime, mais j'ai froid quand même. Tu sais qu'il y a toujours une bonne nouvelle. Je ne vais jamais rentrer, c'est décidé pour de bon. Tu n'as jugé papier, les étoiles dessinent mon prénom. J'ai froid. Donc je cours encore, je le dis, j'ai les yeux, le lapin s'en va. Et je suis la pendule qui prit dans ses bras. Je suis belle, très très loin de toi. Je suis belle, non, ne m'appelle pas. Je ne vais jamais rentrer, j'ai rendez-vous sur un pont. J'ai bientôt mesuré, j'arrête de demander pardon. Comme le monde est à nous, je veux quitter ma terre. Au moins une seconde et changer d'air. Faire le tour du monde, retrouver la mer. Loin de toutes ces ondes, changer d'air. Et faire le tour du monde. Kilomètres s'affichent au compteur, on compte pas nos heures. Je vois dans le rétro s'envoler nos chaos. Ta la ta ta ta. Change tes lunettes, regarde par la fenêtre. Respire un coup, le vent frais sur tes joues. Écoute les mélodies, aime la fille, aime la tire à touche. Tu vois comme on y prend goût. Je veux quitter ma terre. Au moins une seconde et changer d'air. Faire le tour du monde. Retrouver la mer. Loin de tout. C'est pas grand chose après l'orage, le ciel est rose. Assez parlé de mots dans ce dernier voyage. Allume la radio. Je veux quitter ma terre. Au moins une seconde changer d'air. Et faire le tour du monde. Retrouver la mer. Loin de toutes ces ondes changer. Toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. Faut que tu la trouves jolie, ma voix et mes poèmes. Quand même, faut que tu m'aimes. Faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il y aura pas de problème. Que la lune est pleine. Pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment. De plus être dans le coup, j'ai peur de plus être la même. Que tu me jettes pour la prochaine venue. Que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied, j'ai plus où aller.

j'ai peur de pas savoir quoi faire, de dire des mots de travers. Mais de quoi je vais avoir l'air? J'ai peur de dire n'importe quoi, de passer pour je ne sais quoi. Que vas-tu retenir de moi? Je ne crains pas le rien. Je crois même que je préfère. Je ne crains pas le rien. Même si j'aimerais lui plaire, je ne crains pas le rien. Je crois même que je le préfère. Oui, je préfère me taire que passer pour le crétin. Mon corps. KFAI is proud to sponsor Ubuntu Village, presented by Truth Maze at the Sencha Tea Bar on Saturday, August 31st. Ubuntu Village will be an open mic of hip-hop, spoken word, and acoustic performances by Athena E., Grindel, Kenneth Grenier, and more. Ubuntu Village will be hosted by Truth Maze and The Black Pearl, along with DJ sounds provided by Mixie D. Boss and DJ Turnstile. More info can be found at the Sencha Tea Bar website. Visit SenchaTeaBar.com for more details. KFAI is proud to present Juju at the Turf Club on Friday, August 23rd. In 2011, after 10 years of touring as a bass player, Desert Days co-founder Phil Peroni began his exploration of recording loop-based music under a new project name, Juju. Juju has now expanded into a full band, sharing stages with Claypool Lennon Delirium, Tortoise, Tanarawin, and others. Opening up the show, our local band Good Doom, with special accompaniment by the Van Glow Light Show. Tickets for Juju can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Do you ever get the feeling that just sometimes commercial radio hosts are faking it? Hey, wasn't that incredible? My new favorite! I mean, when computers dictate your playlist, isn't it possible that they have to play something that they really don't like, but still have to sound like they like it? This one's flying to the top of the charts like a bullet. Can't get enough of hearing this one over and over. At KFAI, our hosts handcraft their own programs. They aren't forced into playing anything. Every song on every show is one that the host handpicked because they like it, and they think you'll like it too. So sit back and relax, because I've got stacks of wax with the latest tracks that'll hit you like a battle axe. So go to KFAI.org and click donate to support non-commercial, community-powered, real people radio. Right after these messages. All right, you listen to it. Go to KFAI.org and donate whenever you can. You can also become a recurring member and donate every month, so it's not as heavy on your budget. And it will help us. So they're right. Like, I'm volunteering my time and I'm picking the songs I like. Some I discovered, some I don't like as much, but most of the time I really play what I like. So, and my friend Romain and Adrien, who are not here tonight, but they're the same. Like, they pick some songs or do something once in a while. So we just listened to three songs. The first one was from Easy with Perdre la tête, losing your head. Zao de Sagazan with Ne te regarde pas, don't look at you. And the second song from Zao was Mon corps, which I thought was really, like, very smooth and very nice to end an evening. But we're going to change gear a little bit. And we still have like about 40 minutes, 40, 43. And we're going to listen to three songs. The 99ers with Le Cactus. So the 99ers is a band that I've learned because of Emily B. We met like at a gala, the French-American Chamber of Commerce. And with her husband and Adrian, and we started to connect, and they have a band, and Emily is part of several bands, and Well in Thames is the band that we played most because they have more songs in French, but kind of a punk rock band that she's part of is called the 99ers, and on their latest album called Tilt, that I found on Bandcamp, they did a cover of Jacques Dutronc, Le Cactus. So we're going to listen to that song. And then we're going to listen to two songs from a French metal band called Alceste, and from their latest album called Le Chant de l'Aurore. It's the song of the dawn. And the first song is Flamme Jumelle, like a twin flame. And the second song is L'Adieu, or the goodbye. And yeah, and I remind you that I'm here until 10 o'clock. And after that, you can listen to the shows in the archive, whether you miss us or you miss the beginning or things like that. And I remind you that on August 25th, there's going to be 24 hours of Frenchness. And French Influences Radio Show Therapy episode 141 is now out and about. And that episode is about Emily in Paris season 3, and it's the last soundtrack of the shows. But season 4 is coming up. I don't know that I will do something about it. I did season 1 and 2, and because it was a lot of song that I really liked. I thought it was very innovative. A lot of up-and-going artists, French artists, very good, like Junior and others. And yeah, I really like it. By the way, today was the primary in Minnesota, so if you didn't vote today, remember that you still can vote on November 5th. So it's going to be big elections. So don't forget to vote. All right, on y va. Yeah. sais pas te prier. Ton humeur me souvient tant. Nous, dans plus voilà, so you're still listening to Bonjour Mes Soda on KFI Radio. Wasn't it magic? I mean, I really like Alsace. I discovered them on Bandcamp and they are just awesome. So the first song we listened to was from the 99ers. Well, I mean, it was a cover from Jacques Dutronc, Le Cactus. And the 99ers are locals in the Twin Cities, so look at you. Favorite venues and calendars, and they might show up and you might be able to go see them. Then we listened to two songs from Alceste, a French band of metal. The first one was Flamme Jumelle, and the second one just now was L'Adieu, or the goodbye. And we're going to keep on. We have 7 minutes, so I don't know how much we're going to be able to listen, but we're going to listen to Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves, until the end of my dreams, and Simone Ringer and Mathilde Fernandez with Intentionnel. I think that's all we'll be able to listen to, because Count Jambalaya is going to be at 10. So I'm going to say good night, and I'll be back next week. I remind you that 8:25 is a Sunday, and there's going to be 24 hours of Frenchness. And go to Mixcloud to listen to French Influences Radio Show Therapy. On y va? Good night. intentionnel. Intentionnel. Trop près de ma bouche, tu as posé tes lèvres. Et moi j'ai cru que c'était intentionnel. Mais ne sois pas farouche, je ne veux pas le ciel. Je cherche juste l'amour passionnel. Moi qui pensais faire mouche, c'est tout bien au contraire. Encore un goût d'amour imaginaire. Et je reste sur la touche, tu ne me laisses plus faire. Oh, j'ai encore une fois brûlé mes ailes. Intentionnel. Intentionnel. Intentionnel. Et si la nuit je doute, serais-je devenue panthère à trop toucher du doigt l'émotionnel. Et la nuit sous la douche, une grande montée de fièvre. Oh fais-moi, fais le mal péché originel. Tu me vois des images, moi je m'imagine déjà. Une claque, tu souffres. J'accours, c'est l'infirmière. Mais vendredi.